Echan danzabas en crotas, echan et un sen cutillon e befaye, ai trau e befaye, ai trau, que ye tendro mai cau, ande bunet na camisa, fazia l'ubrale del befet e befaye, ai trau e befaye, ai trau, que ye tendro mai cau. Jamai farem furtena, tanque farem entau, a tutta che la sfia ye cauen galan. Lupe, lupe, lupe, lupe, lupe, lupe, la man, la man, la man, la man, la man, la man. E befaye ai trau la paua vieia, e befaye ai trau che no besum, e befaye ai trau la paua vieia, e befaye ai trau che no besum.